Neige éternelle, comme tu es belle, petite tourterelle, arrache tes aisselles. Mais où es-tu donc, pucelle? Elle s'appelle Adèle et elle a des bretelles. C'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Elle a des buts.